La tragédie de Macbeth commence en Écosse, en présence de trois sorcières, parfois appelées les fatales sœurs. L'une d'entre elles nous avertit d'entrer. Le beau est affreux, et l'affreux est beau, dit-elle. Selon ces trois sorcières, Macbeth et son ami Banquo, tous deux généraux de l'armée écossaise, étant donné leurs exploits contre l'ennemi norvégien, sont promis à un glorieux avenir. Elles prédisent à Macbeth qu'il sera baron de Cawdor, puis roi, et à Banquo qu'il aura une descendance royale. L'important de ces prédictions les fait tous deux douter de leur véracité, mais intérieurement, ils commencent à se jalouser. Peu après, dans une salle du palais de Duncan, le roi d'Écosse, Macbeth, déjà baron de Glamis, reçoit officiellement du roi, son cousin, le titre de baron de Cawdor, dont le précédent titulaire, traître au roi, a été dépossédé et a été tué. Pour conforter cette position, le roi annonce son départ pour le château de Macbeth à Inverness, dans le nord du royaume.